Mi amore, je vais te faire tomber amoureux. Tu vas adorer, je sais que t'aimes les jeux dangereux. Je pourrais te hanter, ton cœur ne peut pas contrer. Ta tête va tourner, si je te veux, je t'aurai. Señorita, dois-je t'appeler Esmeralda? Tu m'étends en état, bientôt je ne serai plus courtois. Donne-toi un spectacle, s'il te plaît, fais le pas.